بسم الله الرحمن الرحيم والفجر. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par l'aube. وليال عشر. Par les 10 nuits. والشفع والوتر. Par le pair et l'impair. والليل إذا يسر. Par la nuit quand elle passe. هل في ذلك قسم لذي حجر. N'y a-t-il pas là un serment pour un esprit sagace ? ألم تر كيف فعل ربك بعاد. Ne vois-tu pas ce que ton Seigneur a fait des Aad ? إرم ذات العماد. Et de Hiram, la cité aux hautes colonnes. التي لم يخلق مثلها في البلاد. À laquelle jamais cité semblable ne fut créée dans la contrée. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. Et ce qu'il a fait des Thamoud qui avaient taillé leur maison à même le roc dans la vallée. وفرعون ذي الأوتاد. Et de Pharaon qui avait inventé le supplice des épieux. الذين طغوا في البلاد. Qui tous transgressaient dans la contrée. فأكثروا فيها الفساد. Et ils se mettent un grand désordre. فصب عليهم ربك سوط عذاب. Ton Seigneur sévit alors contre eux par le fouet de son supplice. إن ربك لبالمرصاد. Car certes, ton Seigneur toujours guette. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Quand son Seigneur, en l'éprouvant, l'honore et le comble de bienfaits, l'homme dit, mon Seigneur m'a honoré. Mais quand, en l'éprouvant, il lui accorde parcimonieusement sa subsistance, il proteste, mon Seigneur m'a humilié. كلا بل لا تكرمون اليتيم. Que non, car c'est plutôt vous qui manquez de générosité envers l'orphelin. ولا تحاضون على طعام المسكين. Qui ne vous exhortez pas les uns les autres à nourrir le pauvre. وتأكلون التراث أكلا لما. Qui vous emparez des héritages avec cupidité. وتحبون المال حبا جما. Et aimez les richesses d'un amour démesuré. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. Que non, lorsque la terre s'effritera parcelle par parcelle. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Mais lorsque ton Seigneur viendra, de même que les anges, rangée par rangée. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ. يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى. Mais lorsque ce jour-là, la géhenne sera amenée, ce jour-là alors, l'homme se souviendra. Mais à quoi pourrait bien lui servir de se souvenir ? يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. Il dira, ah, si seulement j'avais prévu de faire le bien pour ma vie dans l'autre monde. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. Ce jour-là, nul ne suppliciera comme lui supplicie. ولا يوثق وثاقه أحد. Nul ne ligotera comme lui ligote. يا أيتها النفس المطمئنة. Ô toi, âme sereine. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Reviens vers ton Seigneur, contente et agréée. فادخلي في عبادي. Entre parmi mes serviteurs. وادخلي جنتي. Entre dans mon paradis.